Est-ce que c'est bien ou pas c'est mal, je le sais pas. C'est ce que je pense, c'est ce que je vis, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Peu importe c'est quoi, je suis radical. Si je l'aime pas, je le déteste autant que ça pèse. Si je l'aime, c'est sûr que ça reste. En donne-moi jusqu'à temps que je rêve, je parle de mon amour, mes clèves. L'argent, les loisirs, le rap, les choses de la vie que j'aime. Ou que je déteste autant que mon cadran qui sonne avant que je me lève. Je te parle des choses que j'adore ou que j'aime pas, commencer par. Ce que j'aime, c'est la bonne avec des peines blanches. Les penches quand ça se prend. On voit son G-string, puis c'est belle hanche, je démange. Reste pour ficher là, puis faut la voir pendant 15 déhanches. C'est la chanson, sans quoi les dépenses. Que je déteste, c'est la grosse vache. Je suis toujours la belle fille comme une grosse sage. Mal avec son phallus. Puis des grosses boules, mais je sais pas si c'est des vrais ou des bourrelets. S'accroche à des gars chauds comme une poulet. Ce que j'aime, c'est les fins de semaine. On oublie tout le stress de la semaine. On relaxe, on prend le temps de faire tout ce qu'on aime. J'aime les fins de semaine, surtout quand ils sont longues. J'aime les congés qui se prolongent, j'en ai sa même longueur d'onde. Ce que je déteste, c'est quand le cadran sonne, ça gorge tout mon fun. Mais faut que je me botte le cul, faut pas que j'abandonne. Immédiatement, faut que je me lève vite, faut pas que je me rendors. Je pense que le pire moment de la journée, c'est quand le cadran sonne. Soit d'accord ou pas, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Je le dis tout, je me gêne pas, c'est dans mes gènes ça. Moi, c'est même que j'aime ça, c'est vrai, je te niaise pas. C'est comme ça, j'aime ou j'aime pas. J'espère que c'est clair et net comme du plasma. Soit d'accord ou pas, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Je le dis tout, je me gêne pas, c'est dans mes gènes ça. Moi, c'est même que j'aime ça, c'est vrai, je te niaise pas. C'est comme ça, j'aime ou j'aime pas. J'espère que c'est clair et net comme du plasma. Ce que j'aime, c'est le cash. En fait, c'est de le dépenser, de le faire sans compter. Une occasion facile d'en faire, je pourrais pas leur refuser. Je peux me tromper, mais ça vaut la peine d'essayer. Au coup de goûter, tu peux plus t'en penser. Ce que je déteste, c'est d'être endetté. Rêver que je suis la craque et puis me réveiller. M'apercevoir, je suis tôlé. Un jour, ça va mort, je continue de troller. À la recherche du cash, sans me contrôler. Au moins, y'a toujours quelqu'un pour m'épauler. Ce que j'aime, c'est le monde fiable sur qui je peux compter. Sur qui je peux faire confiance, à qui je peux me confier. Ils me laisseront jamais tomber, ils voudront jamais me dénoncer. Ils se battraient pour moi, même en sachant qu'ils seraient défoncés. Ce que je déteste, c'est les traites hypocrites dans tes trois ans. Deux baisse, dis mais quand j'suis au stress. Ambiance vendredi 13, tu dois être mal à l'aise. J'ai cœur et perds mon temps avec du monde qui me niaise. Sois d'accord ou pas, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Je le dis tout, je me gêne pas, c'est dans mes gènes ça. Moi c'est même que j'aime ça, c'est vrai j'te niaise pas. C'est comme ça j'aime ou j'aime pas. J'espère que c'est clair et net comme du plasma. Sois d'accord ou pas, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Je le dis tout, je me gêne pas, c'est dans mes gènes ça. Moi c'est même que j'aime ça, c'est vrai j'te niaise pas. C'est comme ça j'aime ou j'aime pas. J'espère que c'est clair et net comme du plasma. Ce que j'aime c'est fêter, rends ma vanne à clope puis fumer. J'fume jusqu'à temps d'être bien pété, mais faut pas t'inquiéter. Toi jusqu'à temps d'avoir l'effet désiré. Ça y est c'est décidé, parti pour une brosse assurée. Ce que je déteste c'est quand j'suis trop sous. Je dormirai n'importe où, je suis encore jeune. Mais j'me rendrai pas jusqu'au bout. J'aime pas filer comme ça, vomir j'déteste là. J'crisserai mon quintrette là. Encore un autre tequila puis j'craquerette là. Ce que j'aime c'est les bandes puis les bandits. Les blancs d'après-midi, les parcs après minuit. Faire quelque chose d'interdit. La lingerie, faire une coupe de singerie. Des fois j'ai juste envie de dire une coupe de niaise. J'étais ceux qui se prennent trop sérieux. Les têteux, le but primaire que je ris de. Viens, irrespectueux. Mais qu'est-ce que tu veux, ça me rend nerveux. J'haïs les jeunes qui ont l'air vieux. Puis je me sens pas bien quand je suis parmi eux. Sois d'accord ou pas, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Je le dis tout, je me gêne pas, c'est dans mes gènes ça. Moi c'est même que j'aime ça, c'est vrai je te niaise pas. C'est comme ça j'aime ou j'aime pas. J'espère que c'est clair et net comme du plasma. Sois d'accord ou pas, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Je le dis tout, je me gêne pas, c'est dans mes gènes ça. Moi c'est même que j'aime ça, c'est vrai je te niaise pas. C'est comme ça j'aime ou j'aime pas. J'espère que c'est clair et net comme du plasma. Plasma.